إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويدلهم على أن العبادة محض حق الله تعالى لا يجوز صرف شيء منها لغيره وقد وبخ الله عز وجل المشركين على تعظيمهم لأصنامهم فقال عز من قائل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى واللات والعزى ومناة من أشهر وأعظم الأصنام زمن الجاهلية وقد كانوا يطلبون منها أن تبارك لهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم فكانوا بذلك مشركين الشرك الأكبر لأنهم عبدوها من دون الله حين طلبوا بركتها وما هي إلا أوهام تخيلوها لا حقيقة لها فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك بالقبور والأشجار والأحجار هو من جنس تبرك المشركين لها فالواجب على المسلم ألا يعلق قلبه إلا بالله وحده وألا يتعلق بغيره فمن فعل ذلك فقد شابه المشركين في فعلهم ويقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de revivifier aux gens la religion de leur père Ibrahim alayhi salam, une religion basée sur le monothéisme pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'enseigner aux gens comment adorer Allah et Allah seul, et qu'il est strictement interdit de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a reproché et a réprimandé les polythéistes parce qu'ils ont immensifié leur statut et leur divinité. Et il dit subhanahu wa ta'ala que vous ensemble des divinités, Allat, ainsi que Al-Uzza, ainsi que Manat, ces troisième autre. Autrement dit, que trouvez-vous à ces divinités qui étaient des grandes divinités adorées avant la période de l'islam, des divinités à qui l'on demandait la bénédiction, et les gens invoquaient et demandaient ouvertement à ces statues en pensant qu'elles pouvaient leur donner la bénédiction dans leur personne, dans leurs biens et leurs enfants. Et en faisant une telle chose, eh bien les polythéistes sont sortis et ont commis un grand polythéisme, car le fait de demander la bénédiction à des statues, à des divinités, cela revient à les adorer. Et cette soi-disant faculté qu'auraient ces statues à donner la bénédiction ou à en faire profiter, ceci n'est que illusion qui n'est en aucun cas réelle, car ces divinités ne sont que des arbres adorés en dehors d'Allah, que des pierres qui ne peuvent ni apporter du bien à eux, ni repousser un mal. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette même sourate An-Najm, les étoiles, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet. Ces noms qu'ont donné ces polythéistes à leur propre statut, ce sont eux-mêmes qui leur ont donné ces noms. Ainsi Allah Azza wa Jalla les a réprimandés en disant: comment adorez-vous, comment pouvez-vous demander la bénédiction à des arbres, à des pierres, alors que c'est vous-même qui les avez façonnés et c'est vous-même qui leur avez donné un nom. Et de nos jours, ceux qui se disent musulmans demandent la bénédiction auprès des tombes, demandent la bénédiction auprès des arbres, auprès de certaines pierres. Ceci est exactement similaire à ce que faisaient les polythéistes. Il est du devoir du musulman d'accrocher son cœur et d'en revenir à Allah et à Allah seul. Et celui qui demande la bénédiction à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a alors ressemblé aux polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith authentique que celui qui ressemble à un peuple en fait partie. ثم اعلموا أيها المسلمون أن البركة هي دوام الخير وكثرته ولا خير أدوم ولا أكثر من خير الله وينقسم التبرك إلى قسمين تبرك مشروع وتبرك ممنوع أما التبرك المشروع وهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إنها مباركة إنها طعام طعم وفي رواية أخرى عند البزار زمزم طعام طعم وشفاء سقم أما التبرك الممنوع فهو التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع كمن اعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة بذاته كمن يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو قبور الصالحين لدفع نفع أو ضر لطلب نفع أو دفع ضر فذلك شرك أكبر أما من اعتقد أن هذا الشيء سبب فقط لحصول البركة من الله كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو بالصالحين فذلك شرك أصغر وأما من اعتقد أن هذا العمل فقط مما يتقرب به على الله فهو محرم ووسيلة إلى الشرك ثم اعلموا أن عبادة المشركين لأصنامهم التي ذكرها الله عز وجل إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من جلب نفع أو دفع ضر فصارت أوثانا تعبد من دون الله. Sachez que la bénédiction signifie l'abondance du bien et la persistance. La bénédiction, c'est le fait d'avoir des biens abondants et que ces biens soient perpétuels et soient continuels. Et il n'y a pas un bien qui est plus persistant et plus abondant que le bien qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la demande de bénédiction est de deux sortes. Il y a une demande qui est légiférée, autorisée en islam, et il y a l'autre qui est interdite. Quant à celle qui est autorisée, c'est de demander ou de rechercher la bénédiction dans une chose qui est connue en islam comme étant une chose bénie. Comme exemple, l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, il est autorisé aux musulmans de rechercher la bénédiction de cette eau, car cette eau est bénie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit dans le hadith rapporté par Muslim dans son sahih, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam en parlant de l'eau de Zamzam, c'est une eau bénie et c'est une nourriture pour celui qui a besoin de se nourrir. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'eau de Zamzam est une nourriture pour celui qui a besoin de se nourrir et c'est une guérison contre les maladies. Il est donc autorisé de rechercher la bénédiction qu'il y a dans l'eau de Zamzam pour s'alimenter, pour boire et également pour se soigner. Quant à la deuxième sorte de demande de bénédiction qui est interdite, c'est le fait de rechercher la bénédiction dans une chose que l'islam ne nous a pas autorisé de faire. Comme ceux qui pensent qu'une chose bien précise a le pouvoir et la possibilité de donner la bénédiction, comme ceux qui demandent la bénédiction à certains arbres, à certaines pierres et statues, ou ceux qui se rendent chez les tombes des saints en espérant avoir leur bénédiction. Ceci est considéré comme du grand polythéisme. Ceci est considéré comme du grand polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam. Quant à celui qui considère que cette chose par laquelle il espère avoir la bénédiction, s'il considère que cette chose est seulement un moyen, mais que cette chose en elle-même ne donne pas la bénédiction, mais que c'est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala donne la bénédiction. Comme ceux qui essuient le maqam d'Ibrahim, présent à la mosquée sacrée de la Mecque. Ou comme ceux qui s'essuient ou qui passent leurs mains sur le hijr d'Ismaïl, qui est également situé à la Mecque. Ceux qui passent leurs mains sur ces deux choses citées ou toutes les autres choses pour lesquelles n'est pas rapporté qu'elles sont bénies en soi, en considérant que ce sont des causes, mais c'est que c'est Allah Azzawajal qui donne la bénédiction, alors ceci est considéré comme du petit polythéisme. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le fait de dire que c'est du petit polythéisme ne diminue en rien l'extrême gravité de cet acte. Quant à celui qui considère qu'il est autorisé de toucher ces choses, sans considérer qu'elles apportent de la bénédiction ou que ce sont des causes par lesquelles Allah donne la bénédiction, ceci est à la base interdit et cela est considéré comme un moyen qui, au fur et à mesure du temps, va faire sombrer la personne dans le polythéisme. Wal'iyadu billah. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم أي لتتبعن سنن من كان قبلكم. الإمام الترمذي رحمه الله rapporte dans ses sunan selon Abu Waqid al-Layfi radiyallahu ta'ala an qui raconte ce récit et dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer à la bataille de Hunayn et nous venions de sortir de la mécréance tout fraîchement. Et les polythéistes avaient un jujubier, un arbre, dans lequel ils restaient à proximité, un arbre à qui ils donnaient beaucoup d'importance, sur lequel ils accrochaient leurs armes et leurs épées. Cet arbre était appelé Zat Anwat. Dans le chemin vers Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont passés à proximité d'un jujubier. Abi Waqid al-Layfi rahimahu radiyallahu anhu dit « Nous avons dit, ô envoyé d'Allah, accorde-nous un anwat, un arbre, comme ils ont, c'est-à-dire les polythéistes, un arbre. C'est-à-dire, donne-nous à nous aussi un arbre que l'on pourrait immensifier, auquel nous pourrons, autour duquel nous pourrons rester et sur lequel nous pourrions accrocher nos armes afin que ces armes soient bénies et qu'elles soient plus efficaces dans le combat. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a dit « Allahu Akbar, Allah est le plus grand. » Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Subhanallah, qu'Allah soit exempté. Innaha sunan, ce sont les voies. Vous avez dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, comme on dit les fils d'Israël à Moussa, désigne-nous une divinité qu'on adore, semblable à leur divinité. » Et Moussa alayhi salam leur a dit « Vous êtes certes des gens ignorants. » Lorsqu'Allah Azzawajal a sauvé ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam et leur a permis de traverser cet océan, ils sont passés à proximité d'un peuple qui adorait une divinité. Ils ont alors dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une divinité qu'on adore, semblable à la divinité de ce peuple. Et Moussa alayhi salam leur a dit, vous êtes certes des personnes ignorantes. Vous êtes certes des gens ignorants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلم كثير من أهلها وخرج فئة منهم معه عليه الصلاة والسلام إلى حنين وفي طريقهم إليها رأوا شجرة سدر للمشركين تسمى ذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم ويعظمونها ويقيمون عندها ويتبركون بها. عندئذ طلب هؤلاء الذين أسلموا حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله ولم يقصدوا مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لكونهم أسلموا حديثا خفي عليهم أن هذا الأمر يعد شركا بخلاف غيرهم ممن سبق إسلامه فإنه لا يجهل ذلك. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين طلبوا منهم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون وكبر عليه الصلاة والسلام كبر حين سمع ما لا يليق بجلال الله وعظمته تنزيها لله عن الشرك وشبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والجامع بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل أن كل منهما طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله فمن تبرك بالأشجار والأحجار فقد اتخذها آلهة. الخفة صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a vaincu et lorsqu'il est entré vainqueur et victorieux alayhi salatu wassalam à la Mecque, et lorsque beaucoup des gens de la Mecque se sont alors convertis à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en direction de Hunayn, et dans cette route, ils ont vu un arbre, un jujubier, que les polythéistes appelaient Zatu Anwat, sur lesquels ils accrochaient leurs armes. À ce moment, ceux qui s'étaient nouvellement convertis à l'islam, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre semblable à celui-ci auprès duquel ils rechercheraient la bénédiction. Ils ont dit cela, radiyallahu anhum, en pensant que c'était quelque chose d'aimé chez Allah. En aucun cas, ils n'ont voulu, par cette demande, contredire les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, parce qu'ils venaient nouvellement de se convertir, eh bien, cette chose leur a échappé. Cette chose qui est considérée comme du polythéisme. Contrairement aux autres compagnons qui les ont précédés en islam, eux, par contre, n'ignoraient pas une telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ceux qui lui ont demandé cette chose, à ceux qui lui ont demandé de leur accorder un arbre auprès duquel ils demanderaient la bénédiction comme le faisaient les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé la grandeur d'Allah. Il a exprimé la grandeur d'Allah lorsqu'il a entendu des paroles qui ne peuvent être attribuées à Allah. Lorsqu'il a entendu des paroles qui ne peuvent être agréées et acceptées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé la grandeur d'Allah pour exempter Allah de toute forme de polythéisme. Et il a comparé cette demande à la demande des fils d'Israël lorsqu'ils ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité comme ils ont une divinité. ثم اعلموا أن تغير الاسم لا يغير الحقيقة فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر مخرج عن الملة لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف مزيد تحذير وكمال شفقته وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة. فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر. وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا ويسمونه تشفعا وهو من أعظم الشرك. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les différents noms qui peuvent être donnés à un acte ne changent en rien la réalité de celui-ci. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que celui qui demande la bénédiction et qui recherche la bénédiction à travers un arbre ou à travers une pierre ou autre, qui n'est pas rapporté comme étant béni en islam, que ceci est du grand polythéisme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cette parole à la parole qu'ont dit les fils d'Israël à Moussa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a juré par Allah. Pour appuyer cela, il a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez dit, comme ont dit les fils d'Israël à Moussa. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait juré par Allah, alors qu'on ne lui ait pas demandé de jurer, prouve que c'est une chose extrêmement gravissime. Et que celui qui commet un tel acte a commis un acte grave. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah pour interpeller sa communauté. Parce que c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui veut le bien pour sa communauté, qui lui veut la guider et la féliciter dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, celui qui demande et qui recherche la bénédiction auprès d'un arbre, auprès d'une pierre, auprès d'une statue, a alors pris cette chose comme une divinité. Même s'il lui donne d'autres noms, ceux qui se rendent autour de ces endroits en y recherchant la bénédiction, en y résidant quelques jours, en y sacrifiant des bêtes, et le grand polythéisme. Même si à notre époque, des personnes l'appellent comme l'appellent un intermédiaire, ou des façons d'intercession qui leur permettent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث علم من أعلام النبوة وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وفيه الخوف منه وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا. وأنما ذم الله به اليهود والنصارى فإنما قاله لنا لنحذره. فلا يجوز التبرك بالصالحين لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا ببكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له عليه الصلاة والسلام، فضلا عن المساواة له عليه الصلاة والسلام في الفضل والبركة. Il y a dans ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que le polythéisme va toucher cette communauté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire qu'il y aura dans cette communauté des personnes qui commettront le polythéisme. Et le polythéisme, chers musulmans et musulmanes, est présent à notre époque. Il est présent bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Si l'on venait à énumérer les nombres de tombes, d'endroits auxquels, auprès desquels on recherche la bénédiction dans les pays du Maghreb et de l'Afrique, cela se compterait par dizaines de milliers. Cela se compterait par dizaines de milliers. Il y en a plus de 10 000 dans le seul pays du Maroc. Comment des personnes peuvent venir nous dire « Mais quel est ce discours que vous nous tenez ? Vous nous mettez en garde contre l'adoration des tombes, contre l'adoration des pierres et des arbres. Mais ceci est une époque révolue. C'était au Moyen-Âge que les gens adoraient des arbres et des statues. » Nous disons à ces gens d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leurs oreilles, de sortir de la bulle dans laquelle ils se trouvent et d'aller parcourir le monde et le globe afin de se rendre compte à quel point le grand polythéisme est répandu à notre époque. Wal'iyadu billah. Il est donc du devoir des musulmans en général et des prêcheurs en particulier de répéter toujours et sans cesse l'importance du tawhid et la gravité du polythéisme. Combien de gens tombent dans le polythéisme en pensant que c'est une chose bien, en pensant que cette œuvre et que cette soi-disant adoration les rapproche d'Allah Azzawajal, alors que cet acte les éloigne le plus possible de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il y a dans ce hadith également l'interdiction de ressembler aux gens du livre dans ce qu'ils font, sauf si ce qu'ils font est rapporté dans notre religion. Il est également interdit donc de demander de rechercher la bénédiction auprès des saints. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas recherché la bénédiction chez une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Le prophète alayhi salatu wa sallam de son vivant était béni. Tout était béni en lui alayhi salatu wa sallam. Sa sueur était bénie. Sa salive était bénie. Ses cheveux étaient bénis. Tout en le prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchaient la bénédiction dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, ce compagnon qui par la suite s'est converti, mais à l'époque lorsqu'il a été envoyé en tant qu'émissaire pour aller négocier avec les musulmans, il a été en face, il a fait face à une situation à laquelle ou auquel il n'aurait jamais pu imaginer. Une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il a dit, j'ai parcouru les rois et les empereurs et je n'ai jamais vu des personnes donner plus d'importance à une autre comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donne de l'importance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il jure par Allah, il n'y a pas un crachat que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il n'atterrisse sur la main d'un d'entre eux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions et qu'il les terminait, il se battait presque pour récupérer l'eau avec laquelle avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses ablutions. Car tout dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni. Sa salive et l'eau avec laquelle il a fait ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas agi ainsi envers Abu Bakr radiyallahu anhu et envers tous les autres compagnons par la suite. Et les pieux prédécesseurs n'ont jamais agi ainsi envers les grands savants, les grands imams des pieux prédécesseurs. Pourquoi ? Car c'est une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il est donc interdit de comparer, comme le font certaines sectes, leurs soi-disant imams, en justifiant le fait qu'ils recherchent chez eux la bénédiction, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchaient la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ces personnes peuvent-elles comparer ces imams au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment peuvent-ils les comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est inconcevable et il est injuste de comparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une autre personne de science ou un imam. Ainsi, il faut donc prendre garde à cela et craindre Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer en toute clairvoyance et en toute science. Nasallallah azza wa jal an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirk. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعن إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم شتت شمل عدوهم وفرق شملهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أعنهم على عدوهم وانصرهم عليهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم وارحم موتاهم يا قوي يا عزيز يا غفور يا رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.